Les robots détruiraient 3 millions d'emplois d'ici à 2025 en France. La robotisation va toucher les classes moyennes, y compris les classes moyennes supérieures, explique Hakim El-Karoui, associé au cabinet Roland Berger. La plupart des secteurs perdraient des emplois, excepté l'éducation, la santé, la culture et l'environnement notamment, selon une étude de Roland Berger commandée par le journal du dimanche. Le débat sur l'apport positif ou négatif des robots dans l'économie risque d'être relancé. Selon un scénario jugé tout à fait probable par une étude de Roland Berger commandée par le JDD et publiée dimanche 26 octobre, les robots seraient responsables de la suppression de 3 millions d'emplois en France d'ici à 2025 en raison de 20% des tâches devenues automatisées. Ainsi, le taux de chômage en perte brute s'élèverait à 18%, une majorité de secteurs touchés. Quelques secteurs seraient épargnés, d'après l'étude. Pour la santé, la culture et l'éducation, aucune perte d'emploi ne serait à déplorer à cause des robots. L'environnement, la relation client et les nouvelles technologies devraient encore mieux s'en sortir puisque 500 000 postes seraient créés dans ces domaines. A contrario, le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, l'administration publique, l'armée, la police et le service aux entreprises devraient être particulièrement touchés. Toutefois, avec l'automatisation, 30 milliards d'euros, recettes et économies, seraient engrangés et 13 milliards d'euros de pouvoir d'achat seraient libérés, en dividendes et baisses de prix, d'après le cabinet de conseil Roland Berger.